Moi, j'ai une maison chez nous, puis quand tu rentres dans ma maison, il y a des êtres qui sont dans ma maison, puis qui protègent ma maison. De sorte que si quelqu'un vient dans ma maison, puis qui n'est pas dans l'intelligence, il va sentir la vibration. Sont là, puis t'es voué. Ceux qui ont des yeux, ils les voient, ils sont là. L'environnement est parfaitement protégé physiquement par moi, puis ces autres-là, par là. Mais ça demande constamment de l'application de l'intelligence et de la volonté. Puis ça n'arrête pas l'intelligence et la volonté. Tu peux vivre d'un petit appartement grand même ou d'une petite maison grand même, puis tu vas le construire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ensuite, tu vas aller à l'extérieur. Tu vas tout le construire, mais tu vas toujours le fermer. Parce que l'homme conscient, éventuellement, devient tellement sensible qu'il ne peut plus vivre à l'extérieur. Quand je dis ça, je parle depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Éventuellement, tu peux plus. Tu peux plus. Comment tu voudrais, tu peux plus. Puis ta volonté est tellement forte, ton intelligence est tellement précise que tu ne veux plus. Puis quand tu veux plus, mais là, c'est là que. Mais là, t'es bien. Parce qu'on a bien plus de ressources qu'on s'imagine. On en maudit des ressources. On a des ressources. Mais le problème, c'est qu'on ne les réalise pas tant qu'on n'est pas dans notre intelligence. C'est pour que je dis au monde, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux vivre? Je sais pas. Parce qu'ils sont pas encore dans l'intelligence. Quand tu es dans l'intelligence, tu sais ce que tu veux vivre. Sais comment tu vas le faire. Tu n'en connais pas toutes les conditions. Quand tu es rendu dans l'acte, le temps est arrivé. Tu sais. Ça va, ça marche. Parce que tu peux plus te chercher rendu à ce point-là. Hey. Te manifestes. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont la capacité aujourd'hui de faire des belles vies. Ils l'ont. Ils ont des bonnes positions, ils ont des commerces, ils ont des maisons. Ils sont vraiment équipés avec les éléments essentiels, le toit, la nourriture, le vêtement, la job. Ce qui les empêche d'être bien, c'est là-dedans. C'est dans la tête. L'émotion. Puis ils ont la capacité d'être. Il y en a qui touchent presque tout. Dans les conditions, ils n'ont pas de vibration. Ils ont une condition par rapport à la vibration. C'est ça. Il y en a qui ont la vibration, mais ils n'ont pas les conditions, fait qu'ils sont doués d'attendre. Mais quand tes conditions puis ta vibration, parce que tu as créé les conditions, il faut que les conditions soient créées à ce moment-là, c'est solide. Si tu as les conditions qui te sont données à cause de ton éducation, puis ton ce qui s'est passé avant, les héritages, je ne sais pas, c'est soumis à l'inflation automatiquement. Automatiquement. Mais quand tu dis que la vibration, c'est ça. Ça que les gens disent. Les gens disent, l'argent ne fait pas de bonheur. C'est vrai quand tu es inconscient. Puis quand tu es conscient, l'argent, c'est le bonheur parce que tu n'as plus d'autre problème. Je ne le dirai pas en public, ça. Quand tu es inconscient, l'argent ne fait pas de bonheur parce que tu as des problèmes. Mais quand tu es conscient et que tu n'as plus de problème dans ta tête, l'argent, c'est le bonheur parce que l'argent te permet de faire toutes sortes de choses. Élargir ta maison, la monter en maison, aller voyager. Elle te permet de faire des choses sur le plan matériel. Elle te permet l'argent, qui est une énergie, d'intégrer ton intelligence avec la matière. C'est ça le but de l'argent. Intégrer ton intelligence avec ta matière. Mais quand tu es inconscient, tu comprends pas ça. Parce que tu l'as mal placé, ton argent. Tu l'as placé dans l'astral au lieu de le placer dans l'intelligence. Moi, mon argent, j'en ai de l'argent. Je crève pas de faim. Mais c'est eux autres qui rendent le show. Tout le temps. Je fais pas un mot. Je fais pas un mot sans qu'eux autres. Quand je dis, j'ai besoin des culottes, là, il dit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je m'en vais chez Eaton, je trouve mes culottes. J'ai besoin de quelque chose, il dit tant de temps, je trouve mes culottes. Ou je trouve mon affaire. C'est toujours eux autres qui dirigent ma finance. Jamais moi. Moi, je fais faire des choses à Gisèle financièrement, là. Les cheveux retressent sa tête. J'ai toujours raison. Le comptable, il saute au de main. C'est pour ça que je suis riche. Évidemment. C'est eux autres qui auront de ma finance. Je suis riche. Oui, là, on parle de ça, t'es pas en parler, on en parle tout à l'heure. Mais moi, ce que je te découvre, c'est qu'une fois que tu parlais dans une conférence pour une volume que négative que j'ai trouvé, tu disais actuellement, l'argent est sur le pouvoir, bon, c'est parti de la garçon, là. Puis ça va changer, devenir dans les, entre les mains du pouvoir de. Chambalot, en tout cas, dans le système, mais qu'au fond, c'est que tu parles du pouvoir de l'inconscience, du pouvoir de l'intelligence. Puis tu parlais de ça, puis la façon de parler de ça, c'était comme ça se faisait collectivement, mais ça se fait individuellement. Ça. Ce que je veux dire, c'est que j'administre mon argent de façon intelligente ou de façon inconsciente, un des deux. Il y a comme un passage de l'un à l'autre qui se fait. Parce que les gens, moi en tout cas, je connais beaucoup de jeunes qui sont en train de faire un changement de confiance et qui ça n'arrive pas financièrement, c'est difficile financièrement. Ils sont même dans des situations pénibles financièrement. Parce que c'est comme si il faut qu'ils débloquent leur intelligence, là, mais applicable dans la réalité concrète, dans le temps matériel. Sais-tu pourquoi est-ce que les gens ont des difficultés financières quand ils rentrent dans l'intelligence, dans la conscience? C'est parce que c'est pour les amener, ces gens-là, à raffiner leur intelligence et leur volonté. L'intelligence, je suis content que tu parles de ça. L'intelligence et de la volonté, ça ne se donne pas à l'homme. L'intelligence et la volonté, c'est un état auquel on a accès avec le temps à un prix. Mais quand on a payé le prix, c'est irréversible. Mais tant qu'on s'en va vers cet état-là, il y a un prix à payer, et le prix qu'on paye, c'est la déastralisation de nos mœurs. Parce que si tu es en contact avec Jojo, si tu es en contact avec ton ajusteur de pensée, OK. Puis t'as des troubles financiers. OK. Lui, il va dire, inquiète pas, tout va s'arranger dans 3 mois. Tous les 3 mois, au niveau humain, au niveau émotif, au niveau intellect, c'est long en maudit. Puis, comme t'es astral, mais tu t'inquiètes pareil, parce qu'il te passe des free games, puis il te passe des free games, puis il te passe des free games. Puis tu t'aperçois que ça s'arrange tout le temps. Ça s'arrange. T'en passes une shot, mais ça s'arrange, pareil. Mais dans le processus de l'arrangement, tes vibrations ont changé. Puis tes vibrations ont changé. Puis tes vibrations ont changé. Puis t'as développé la résistance. Fait qu'éventuellement, la vibration, cette vibration-là, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Puis éventuellement, elle est dans toi. Puis quand elle est dans toi, à ce moment-là, là, tu peux t'en servir. Puis là, tu renverses le mouvement. Automatiquement. Mais, ils disent, on est en vous autres, on vous parle patati patata, on vous explique des choses, on vous dit des choses. On ne peut pas tout vous révéler parce que vous êtes obligé de vivre certaines expériences pour renforcer votre intelligence et votre volonté. Sans ça, si on vous donnait l'intelligence et la volonté instantanément, vous ne pourriez pas la vivre. Vous craqueriez. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit en vous l'astralité. Puis, quand l'astralité est détruite, tu peux absorber l'intelligence et la volonté. Moi, je vais te dire une chose, Hélène. Moi, en 1970, 69, 70, j'ai dit, le contact s'est fait en 69. Le contact a tellement transformé mon être. D'abord, la fusion te désastralise tout de suite, ça. D'accord, OK. T'es fusionné, là, tout fonctionne d'un coup. Il t'enlève tout, hein. Vous autres, vous pouvez aller travailler, puis avoir fait vos affaires, vous avez quand même un certain libre arbitre. Dans la fusion, tu n'as pas de ça. C'est eux autres qui run, Charlie. Il t'enlève tout. Quand je dis qu'il t'enlève tout, je dis qu'il t'enlève tout. Moi, j'ai été 10 ans que j'ai pas pu travailler. Puis moi, j'ai toujours été un homme actif. J'ai toujours été dans le travail. Puis de m'enlever le pouvoir de travailler parce qu'il contrôlait mon intelligence, ça a été extrêmement souffrant. Ma femme m'a aidé. J'ai des amis qui m'ont aidé. Puis quand j'étais seul avec ma femme et qu'on n'avait pas d'argent, parce que nous autres, on a vécu la pauvreté imposée, pas la pauvreté spirituelle, mais la pauvreté imposée. Puis il disait, inquiète-toi pas, on m'a fait trouver un wallet, là. L'autre, 2 rues de site. Puis je m'en allais, là. Puis là, parce qu'à cause de la fusion, mon corps était contrôlé, fait que je regarde dans dessous d'un champ, oups, je trouvais un wallet. Là, je prenais le wallet. Puis là, il y avait de l'argent dedans, des 4. Là, il disait, supposons qu'il y avait 100$ dans le wallet. Il disait, prends-en 5. Je prenais 5$. Puis là, il disait, renvoyez-les à l'homme, le wallet, puis tu diras que tu y paieras plus tard. Là, je prends mon 5$, puis là, il dit, ça me permettait de manger. Pendant des années de même. Des fois, avant quoi, je disais, j'aimerais ça avoir un Pepsi. Il disait, moi, je peux trouver un petit 30 sous de part. Je m'en laissais à lui. Je trouvais tout ça. Mais le contact, tu sais, on parle, la présence était tellement grande que je trouvais un petit 30 sous puis je pleurais comme un enfant. Je pleurais comme un enfant d'avoir qui m'avait aidé. Trouver un petit 30 sous. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ça avec moi. Sais-tu pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai développé tellement de volonté. Tellement de volonté. Que tous ces petits services-là qui faisaient partie de mon initiation pour développer mes câbles, les stables, la fatigue, toute la patente, aujourd'hui, ils sont plus calmes à faire ça. Mais ça m'a pris des années pour en arriver à détruire le pouvoir de la lumière sur moi. Ça, c'est un autre. T'en arrives un jour à détruire le pouvoir de la lumière sur toi, puis c'est à ce moment-là qu'il y a un équilibre entre l'ajusteur de pensée et toi. Puis ça prend des années. Ça se fait pas d'un jour à l'autre, puis on en arrive un jour à détruire le pouvoir de la lumière sur nous autres. Puis quand tu détruis le pouvoir de la lumière sur toi, tu es lumière. Tu es lumière. Tu fais ce que tu veux. Mais ça, c'est des maudites souffrances, puis c'est pour ça qu'il y a très peu d'hommes sur la terre qui peuvent vivre ces souffrances-là. Puis c'est pour ça que ce qui résulte de ces souffrances-là que je vous donne, moi, aujourd'hui, ce sont ce que j'appelle des clés. Fait, rendu au bout de 10 ans, pour désengager la sécurité, l'ego de sa sécurité ça, financière. Ça désengage tout. Il reste rien qu'une chose dans la vie, toi et eux autres. Entre les deux, il n'y a plus rien. Parce que, moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que se détacher de la sécurité de l'argent, c'est pas être plein de fois que tu détaches de 5$ ou de 5 000, c'est l'action de détacher. C'est ça, c'est quelque chose. Oui. Parce que ce que je vois autour de moi, c'est que des gens qui sont bourrés de tabouettes d'argent, ils souffrent de détacher de l'argent parce qu'ils en font pas plus, ils voulaient en faire plus, ils ne peuvent pas, ils sont insécures. Parce qu'il y a du monde qui sont sécures avec 500$ en banque, il y a du monde qui sont sécures dans le rouge, il y a du monde qui sont sécures toujours avec un 5 000 en avant. C'est totalement relatif. Alors, c'est très relatif par rapport à ça. L'idée, c'est de se séparer, c'est-à-dire de se. D'être sécure, d'être tellement insécure, mon nom, que tu arrives à être bien dans cette insécurité-là, puis ça devient sécurité. Ça devient ta sécurité. Mais ce qui arrive, c'est que un corps matériel. Ça prend encore de la force. Ouais. Moi, je suis sécure actuellement. Je n'ai pas d'argent. J'arrive pas, là. Mais ça arrive à toutes les semaines. Mm-hmm. Mais je ne suis pas capable de dire la semaine prochaine, là, comment ça va arriver. Ouais. Seulement, t'en arrives à relaxer dans cette sécurité-là. Pas relaxer dans le sens de relaxer, mais d'être sécure dans cette insécurité-là. Puis c'est ça qu'ils veulent. Mais éventuellement, il faut que t'en arrives à vivre. Oui. Parce qu'ils disent que sur le plan matériel, on doit en arriver à être intelligent et riche. Oui. Les deux. Oui, c'est la chose que j'aimerais ça qu'ils m'envoient plus de clients. J'ai jamais eu tant de temps pour en faire, mais je n'ai pas. Oui, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Mais ça, c'est ton expérience. Je m'en fiche. Parce que là, j'arrive à comprendre ça. Oui, mais le principe est toujours le même. Là, ça me demande la force, c'est quand je rencontre des confrères, des collègues. Comment ça marche sur le bureau? Ils sont pas conscients, les autres. Moi, j'ai plus rien à lui dire. Puis quand je rencontre un contact qui me dit, oublie pas, tu avais fait serrer de l'impôt, toi. Puis comme à ma grande émotivité, moi, j'ai placé ça sur une caisse d'entraide, sacrément, c'est gelé. Je peux pas même pas m'en servir, là, de ça. Puis, dans l'argent, là, ouais, il faut être précis pour qu'il reste rien à traîner à quelque part. S'il y a quelqu'un qui doit de l'argent, il faut que tu ailles le quitter. Pas de qualité, mais il faut que tu ailles le chercher. Tu sais, quand on est généreux, oh, 5 pièces ici, ta petite pièce là, c'est pas très important. Ben moi, maintenant, je me demande dehors de mon bureau parce qu'ils n'ont pas d'argent à me payer. Puis ça, avant, je ne faisais pas ça. Puis aujourd'hui, c'est comme ça. Puis aujourd'hui, je me dis, quand quelqu'un veut me parler... Ouais, mais ça, c'est pour t'entraîner à une certaine vibration. C'est pour t'entraîner à une vibration. Mais... je vais te dire un point, là, puis essaie de saisir ça. L'intelligence, c'est 360 degrés. Ce que tu peux faire une journée, le lendemain, tu peux le défaire complètement. Ça, c'est bien important. Si une journée dans l'intelligence, tu fais une chose, puis le lendemain, tu n'es pas capable de le défaire parce que tu n'es pas encore suffisamment dans 360 degrés. Ouais. te connais des gens dans l'attitude. Il y a l'attitude. Ça, c'est ce que. Ça, c'est. L'intelligence, l'attitude. Parce que l'intelligence, c'est totalement libre. Totalement libre, l'intelligence. Puis, l'intelligence peut faire des mouvements qui sont totalement contradictoires. Parce que l'intelligence est toujours au-dessus d'eux. Puis, quand tu es capable de faire des mouvements qui sont totalement contradictoires, à ce moment-là, tu es réellement libre dans la nature de l'intelligence et tu es totalement équilibré astralement. Sans ça, les gens peuvent sentir ou découvrir des attitudes. Automatiquement, si les gens découvrent des attitudes, puis tu as un travail à faire avec des gens qui peuvent encore découvrir des attitudes, ils vont toujours tourner pour que tu en arrives à ce que les gens ne puissent même pas découvrir d'attitude. Alors, l'intelligence, c'est totalement 360 degrés. Moi, je me rappelle quand j'étais dans la grande pauvreté, puis qu'il y a un homme qui est venu moi au Château Champlain, puis qui m'a offert 100 000 piastres pour ouvrir un institut de parapsychologie. J'ai dit, c'est pas le temps. J'étais à la grande pauvreté, il m'a payé un steak. Je n'ai jamais mangé un steak de même. Mais. Puis plus tard, il est venu me voir et il était en maudit parce qu'il avait perdu 20 000 piastres parce qu'il y avait un pourcentage si le deal marchait. Si t'as l'intelligence, tu peux pas faire ce que tu veux, tu fais ce que tu dois. Fait que là, à ce moment-là, tout ce que tu fais, c'est correct. Fait que si dans l'intelligence, il faut que tu ailles collecter tes billes, tu y vas. Puis si l'intelligence va de l'autre bord, elle coupe, c'est la même chose. Mais il faut que tu puisses faire les deux, toi. Sans ça, tu développes automatiquement l'attitude. Ça, c'est... Puis c'est très dur pour nous autres. Quand on est fusionné, c'est facile de ne pas avoir d'attitude parce qu'on n'a plus de contrôle. On a fait le don de notre personnalité. Mais quand on se conscientise, la vie est tellement dure comme elle est, c'est très difficile de perdre des attitudes. Parce qu'on a toujours... des systèmes de réflexion à l'intérieur de notre ego qui nous permettent de rationaliser une situation, puis même si on a raison, puis est là le point dit, même si on a raison dans une attitude, souvent, pour un plus grand bien, on doit faire son opposé des fois. Pour un plus grand bien. Que l'on ne voit pas tout de suite, mais qu'on peut voir dans un an ou dans deux ans. C'est pour ça que quand moi je me considère un homme riche, je suis riche aujourd'hui, intérieurement, puis c'est parce que je suis riche intérieurement que je suis riche physiquement. Et je peux, ça me permet de faire avec le matériel que j'ai énormément de choses, parce que je ne suis pas attaché à ce que j'ai. Je suis totalement détaché, mais je suis détaché parce qu'ils m'ont détaché avant. Si j'avais pas été fusionné, que je serais riche aujourd'hui, j'aurais des attitudes. Mais la fusion a détruit ça, c'est pour ça que j'ai souffert tant. C'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre l'importance d'en arriver à avoir aucune attitude, toujours laisser l'intelligence diriger vos activités. Mais il faut que ça coïncide avec votre bien-être personnel. Puis c'est là que ton mouvement est bon. Quand tu dis aller chercher les comptes qui traînent, ton mouvement est bon. Se mettre dans ce mouvement-là, des fois il peut avoir de la patience, des fois il peut avoir... la réalisation que la personne n'a pas d'argent, ainsi de suite. Mais il faut que ta volonté soit là d'aller le chercher quelque part dans le temps. Sans ça, tu empêches une personne d'agir en harmonie avec toi-même. À moins que ce soit de ta volonté de laisser tomber le compte, c'est une autre chose. Mais si ce n'est pas de ta volonté de laisser tomber le compte, tu as le droit à ce compte-là parce que tu as travaillé pour, tu as mis une énergie dedans. Et c'est à la personne, éventuellement, dans le temps, de remplir l'équilibre, de remplir. Je comprends bien, pour pas qu'il y ait de l'émotion dans le geste du tout. Aucune. Je vais donner un exemple. Moi, il y a des gens qui viennent d'un séminaire et qui n'ont pas d'argent. Ben, je dis, donne-lui 10 cents par semaine, je sais. Mais il faut qu'il rentre 10 cents par semaine. Ouais. Parce que s'il ne rentre pas 10 cents par semaine, quelque part dans le temps, je vais couper. Ou je vais leur faire apprendre, je ne peux pas les couper, mais je dis, je vais les couper dans le sens que je vais leur faire comprendre l'importance de repayer à l'idée son 10 cents par semaine. Il faut qu'il y ait un échange, sans ça, les gens deviennent vampiriques. Ils te prennent pour un maître spirituel, puis ça, je l'ai établi depuis longtemps, cette affaire-là. Puis c'est pas bon pour le monde. C'est pas l'honorer, c'est ne pas comprendre l'importance du lien de la transaction, parce que la transaction, elle existe pour une raison. Évidemment. Comme moi, j'ai pas d'astralité. Fait que moi, s'ils veulent me faire faire un mouvement d'argent, là, changer une situation de rang, ils sont obligés de me créer un choc. Fait qu'une journée, je chargeais 100$ les cinéraires. Hein? Là, je charge 200$. Mais moi, je peux pas penser charger 200$ les cinéraires. Fait qu'un jour, je cherchais mon petit wallet avec mes licences de chauffeur. Puis je les cherchais dans la maison, puis je les cherchais dans la maison. Ça, ça me change bien mes vibrations. Quand je cherche quelque chose, dis-moi, il est du ski, je joue pas avec mes nerfs. Je suis devenu tellement en colère que j'ai sauté sur le téléphone, puis j'ai dit à Gisèle, monte les séminaires de 100 à 200 piastres. J'ai dit, Chris, si vous allez me faire souffrir, moi, je vais me payer pour. Fait que la vibration a passé, c'est la seule façon qu'elle pouvait passer. Puis après ça, ils ont dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Là, il dit, ton wallet est en dessous du piano. Là, je suis allé chercher, je l'ai mis à la poche. Parce que je suis pas capable de penser. J'ai plus d'astralité pour. Sans ça, j'aurais des tensions. Je dis, mais il y en a qui ne peuvent pas payer, ça c'est trop cher. Ben, je peux pas mettre d'affaires. Fait que faut que l'énergie passe, puis tout qu'elle passe, faut qu'il me crée un choc. C'est un que là que je souffre. Quand je fais un changement dans ma vie, moi, ils sont obligés de passer une maudite vibration. Fait que c'est ça qui est fait. J'ai trouvé mon wallet, puis c'est ça qui est arrivé. Fait que ça fait rire ma femme parce qu'elle dit, mec, tu perds ton wallet encore, ça va remonter encore. Mais c'est le même qui travaille. Il travaille par choc vibratoire. Parce qu'éventuellement, tu n'es plus capable de penser dans ta tête telle chose. Puis pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Pour balancer ma très grande perte d'énergie que je vis dans les séminaires, plus j'avance. Parce que plus j'avance, plus je suis faible. Fait que l'énergie, parce que l'argent, c'est une énergie. Fait que ça rebalance ma vibration. Tantôt, quand tu parlais, je me souviens de ce que tu disais au début, tantôt, quand tu disais l'ajusteur comme activable pour notre analyse. Ça, ça a été une façon. Tu sais, il n'y a pas de logique dans ça. Il n'y a aucune logique. C'est une énergie. Paf! Comme moi, ça n'a pas de logique actuellement que je n'ai pas de client. Ça fait 3 ans que je suis en groupe privé, débordé, je n'ai pas de rendez-vous de passer dans 3 semaines. C'est pas logique. J'avais un associé, je ne peux pas faire de temps de plus. De tabarouette, le gars est parti, mon bureau est libre, je suis seul dans mon bureau la semaine longue. Je ne suis pas capable de passer des 100 000 personnes. Ça n'arrive pas. Je ne suis pas moins connue que j'étais avant. Mais je comprends un peu pourquoi aussi. Ça me protège aussi, moi. Si tu ne veux pas, ils vont te l'expliquer. Mais éventuellement, il faut que ça s'équilibre. Faut que ça s'équilibre, l'affaire. Moi, je ne vais pas vous dire comment est-ce que j'ai commencé à faire des séminaires. Parce que je n'aime pas ça parler de ma vie personnelle. Mais laisse-moi dire que... Quand j'ai pris la décision, parce que moi, j'étais dans l'intelligence, ça fait 10 ans que j'étais là-dedans. Mais quand j'ai pris la décision, là, de la descente d'énergie pour le faire, là, ce que j'ai fait pour le faire, les cheveux vous redresseraient sa tête. Laisse-moi dire. C'était terrible ce que j'ai été obligé de faire pour descendre cette énergie-là ici. C'est évident qu'après ça, ben, ça va. Parce que l'intelligence est là. C'est eux autres qui organisent, qui disent, bon, fais ci, puis fais ça, puis fais ça, puis fais ça. Hein? Comme les pommes, il faut aller cueillir. Il faut aller cueillir. Oui, mes conférences, j'ai commencé en 80, mais ils ont préparé ça 4 ans d'avance. 4 ans d'avance. C'est subtil comment ça travaille. Ils sont pas pressés, ça. Puis moi, j'avais un mot de patience de chien à cause de la fusion. Fait que je pouvais en faire des mouvements, puis des mouvements, puis des mouvements, puis des mouvements. Finalement, paf. Mais... Il vient un point que tu peux plus être pauvre quand tu es conscient. Parce que c'est un manque d'harmonie. Seulement qu'en attendant, la pauvreté sert. Quand tu es imposé, elle sert. Pas la pauvreté que les gens qui se mettent dans la rue. Ça, c'est de la stupidité, ça. Mais les gens qui ne peuvent pas arriver à mettre les deux bouts ensemble parce qu'ils peuvent pas. Ça, ça fait un maudit travail quand tu es conscient. Puis éventuellement, ça s'égalise après ça, bien, ça fonctionne. C'est ça, ça fait partie de l'initiation. Parce qu'apparemment, ils ont bien de la difficulté à nous amener à la conscience si on n'a pas des petits trous, des petits problèmes. Parce que ça va trop bien. De temps en temps, t'es dans la conscience. De temps en temps, t'en sors. De temps en temps, t'es dans la conscience. De temps en temps, t'en sors. Mais si moi, vraiment, ils te mettent les vis, tu peux pas en sortir. Fait que là, ça se fait déjà. Puis si je regarde les gens qui évoluent le plus vite, ce sont des gens qui ont passé. Ils ont passé par là. C'est des empêcheurs de tourner en rond. Ils nous mettent la vis. À tous les niveaux. ne peux rien faire. Moi, il me disait durant l'initiation en 69 ou dans les années qui suivaient, il disait, on t'a tout enlevé, mais on va tout te redonner au centuple. Au centuple. J'ai dit, à quand? 1980. Tu penses que je ne comptais pas les années? Fait que je suis parti de la pauvreté net. Mais je trouve ça beau. Moi, je trouve que ça fait partie du risque de tomber dans le défi. Oui, d'accord. C'est beau, seulement c'est de la souffrance. Mais c'est ça, mais non, c'est de même. C'est pas la souffrance. Quand tu le vis, c'est de la souffrance. Oui. Mais moi, d'où? Ça commençait, tu sais. Ça commençait à naître. Je comprenais ça. Je comprenais ça. Mais je me demandais quelque part, je ne sais pas où. Mais ça va aller peut-être une prochaine. Ça va aller peut-être une prochaine. Ça va aller peut-être une prochaine. On est rendu en avant. 4 mois, disons. C'est en octobre, novembre. Ça va aller peut-être une prochaine. Là, j'attends plus parce qu'il y avait toujours de l'espérance. Tant qu'il y a de l'espérance, j'ai dit tabarnak, ils ne me l'ont pas. Et ça, il y a mettre à terre l'espérance. Ça ne marche pas avec l'espérance. Me dire une chose, Hélène. Il y a seulement une façon de travailler avec l'intelligence. C'est avec la volonté. Il n'y en a pas d'autre. Si tu travailles avec l'intellect, là, ça marche. Mais si tu travailles, là, si tu vis de l'intelligence, il y a seulement une façon, c'est en descendant la volonté. Ça, c'est une clé. Faut que l'ego soit désengagé en sacrement. La personnalité, là, elle empêche d'avoir. Exactement. La personnalité empêche d'avoir de la volonté. Parce que la personnalité, c'est le tinègre de l'âme. C'est le tinègre de l'âme. Elle fait tout ce que l'âme veut. Parce que la personnalité, elle est le reflet de l'âme. Tu viens, Bernard, au printemps, tu viens de cet été, moi, je t'ai dit, moi, je suis capable de faire ce que tu fais. J'ai dit ça, hein. Ben, moi, je veux plus faire ça. Parce que là, j'ai compris comment c'était fatigant. Puis j'ai dit, ils vont me payer en ça. Je parle parce que là, c'est le fun parce que Bernard est là. Mais c'est peut-être en tabarouette, des bouts de le parler. Parce que, puis c'est ça que j'ai compris aussi quand j'entends parler. Il me disait, toi, on te donne de l'énergie, là. Je me disais pas, mais je l'ai compris. J'ai me disais. On donne l'énergie, puis t'as assez une grande âme que tu donnes ça à n'importe qui. On appelle, penses-tu qu'on va donner de l'argent pour que tu donnes ça à n'importe qui? Tu sais, de l'argent, l'énergie, je parle pas de l'argent dans mes poches. Mais t'as donné à n'importe qui. Tu te sèmes pas qui l'a donné parce que toi, t'as un grand sentiment maternel, puis tous les gens qui sont pas dans la conscience, tu veux leur faire le saut dans la conscience. Après, on va te breaker ça, tu vas finir par comprendre, t'as pas loin. Mais moi, là, ça m'a appris en mon vie, parce qu'il y a une chose que j'ai jamais douté, c'est de ma compétence, puis de tout le long, parce que j'avais de l'eau privée, qu'il n'y avait plus de clients, j'ai jamais douté de ma compétence, puis j'en doute pas encore. Puis tu te fatigues pour rien. J'avais pas jamais connu ça dans ma vie, mon époque. Jamais. Moi, je suis une fanatique, déjà, quand j'avais pas 15 personnes à souper dimanche soir, j'étais pas bien, puis quand j'avais pas 3 réunions par soir, j'étais inactive, je servais à rien. Ben là, je commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire de servir la vie. Puis le monde dit que je commence à aimer ça. Là, l'autre t'as fait la vie, t'as devenu par le sol. Tu comprends-tu l'ego comment tu travailles et d'amener à te désengager? Qu'est-ce que les autres vont dire? Tu fais rien, même pas tes enfants avec toi. Tu sais? Et là, je commence à goûter ça le fun de me reposer et d'être fin. Parce que moi, j'avais jamais goûté ça le fun. Puis pendant un mois de temps, au moins, là, quand je travaillais pas, au lieu de profiter du repos que j'avais du temps que je ne travaillais pas, je faisais un overtime dans ma tête. Qu'est-ce qu'il veut? Mais là, j'en fais plus d'overtime. Je prends ce qui arrive. Bon, éventuellement, c'est ce que tu veux. Oui. Mais quand tu es rendu là, à ce que tu veux, là, puis te servir de leur énergie pour le faire, il faut que tu descendes d'une maudite volonté. Puis si les situations intérimaires là, servent à t'amener à ça. Puis un jour, elle va venir, là, parce qu'ils vont, ils serrent les vis, ils ont leur façon de servir les vis de différentes façons, et après ça, ça descend. Ouais. Moi, j'aimerais ça vous conter ce que j'ai fait quand je l'ai fait descendre, cette énergie-là. Non. Non, parce que vous ne me prendriez pas objectivement. Mais c'est terrible ce que j'ai fait. Ah. C'est terrible. Parler, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de parler à quelque part. De parler, allez-y, allez-y, dans la zone, pas de quoi. Moi, ça s'est appliqué, parce que l'année passée, j'ai fait une émission. Ah ben, moi, je suis là, mais pas mieux pour l'année. Tu sais, c'est comme si ça l'a dégoûté. En tout cas, je l'ai fait, ça m'a pris 10 minutes. J'ai appelé le chercheuse, puis j'ai fait un plan, 5 émissions. Pas une. Je me gêne pas, je vais choisir un mettre dans 5 émissions. Je ne sais pas comment ça va marcher. Mais je me dis, Marco, on va plus bien appliquer une idée. Ça ne marche pas, on verrait bien d'appliquer un autre. Je ne sais pas, j'attends pas des nouvelles. Parce que je n'ai même pas couru après. J'ai téléphoné une fois. Au bout de 2 semaines, l'autre m'a rappelé. Puis elle m'a dit qu'elle m'avait appelé. Mais j'ai pondu ça, un synopsis de 5 émissions dans 10 minutes. Ça fait plus de temps à mettre des textos que l'écrire. Mais là, il faut que je le laisse aller. C'est l'affaire. De se servir de l'intelligence, de vivre de l'intelligence, tu sais. La nécessité de se servir, de faire descendre de la volonté, là, ça c'est fondamental. C'est fondamental. Si vous allez vivre de votre intelligence dans le monde, il y a deux façons de vivre dans le monde. Soit vous vivez de votre intellect, ou de vivre de votre intelligence. C'est deux lois différentes. Si tu vis de ton intellect, tu sers la personnalité. Si tu vis de ton intelligence, tu dois la mettre totalement hors encore. Quand tu sors de la personnalité, peut-être que tu as une personnalité assez grande pour que quelqu'un de la division t'invite. Ouais. Tandis que quand c'est l'autre aspect, tu défonces toutes les portes. C'est juste l'intelligence qui rentre. Ça va vite. Brrr, en dedans. Ça va vite. Ça peut être dans une journée. Puis à ce moment-là, il n'y a plus personne qui t'aide. Qui peut arrêter, tu deviens comme un train. Puis c'est toujours toi qui juge la situation. Tu es dans l'intelligence à ce moment-là, puis ça marche. Ton intelligence devient ta lentille, puis ta volonté devient ton marteau. Moi, je refuse. Moi, puis là, t'es plus astral, donc automatiquement, tu te fais pas. Si tu savais comment est-ce que j'ai de demande d'aller aux États-Unis, d'aller en France, d'aller en Amérique du Sud, faire des émissions de télévision et tout, j'arrêterais, tu me viderais. Quand tu es dans l'intelligence, tu ne peux pas faire ça. Fait que tu fonctionnes. Il y a des limites. Tu les connais, puis ils sont bonnes, puis c'est assez. Mais ça te prend une maudite volonté pour les amener, eux autres, à te servir. Parce que c'est ça. Pour les amener, eux autres, à te servir, faut que tu en arrives à c'est clair, parce que quand tu dis ça, là, t'as peur de manquer ton coup, tu sais, que les amener eux autres à te servir. Quand t'as besoin d'argent, tu craches pas sur 50 pièces. Hein. Mm-hmm. Mais quand t'es intelligent, puis t'as besoin d'argent, puis dans l'intelligence, tu sais que tu dois cracher sur 50 pièces, il faut que tu craches 50 pièces. Mm-hmm. Même quand t'as besoin d'argent. Parce qu'ils ont toujours des trucs pour te prendre la tête. Ouais, mais c'est ça le discernement, c'est qu'on arrive à un point que ils n'ont plus de trucs dans leur sac. Sais-tu pourquoi? Parce que tu es arrivé au point où tu haïs. Absolument. Tu peux haïr. C'est quand tu haïs que tu descends la volonté. Parce qu'à un moment donné, il y a une fille, elle me dit, bon, ben là, tu vas venir, il y a des gens qui sont prêts, ils ne sont pas qu'à faire de Mont Bernard, tu vas venir parler à Sherbrooke. Collègue. Chalet. Elle ramasse une petite gang, à 10 pièces, ça ne payait pas mon voyage. Je donnais un pourcentage à cette fille-là parce qu'elle m'organisait un groupe. Là, je dis, moi, il ne va pas avoir 15 pièces. Ça a tombé, personne n'est venu. Trop cher. J'ai dit, tabarnak, ça ne va pas plus cher que ça. Chez nous, j'ai du fun. Mais j'y vais pas. Puis ça arrive dans un temps où j'ai besoin d'argent. C'est le truc. Mais moi, je ne me prostituerai pas. C'est pas vrai. Non, c'est une perte d'énergie. C'est. Pour jamais. Là, je voudrais ouvrir, c'est tout dans la même direction, mais c'est un autre volet. Il y a trois sortes de psychologie de l'âme. Autrement dit, il y a trois sortes de psychologie dans l'univers. Possible. Alors, La première psychologie, celle que l'humanité connaît, c'est la psychologie qui est fondée sur les sentiments. C'est une psychologie qui est colorée par les sentiments, à tous les niveaux d'expérience humaine. C'est la psychologie normale de l'homme. Ensuite, il y a ce que j'appelle la psychologie philosophique de l'homme. La psychologie philosophique, c'est une psychologie qui est plus développée, qui est plus avancée, et qui sert à l'homme dans ce sens qu'elle permet à l'homme de s'auto comprendre par le biais de ce que vous appelez l'auto-analyse ou l'analyse. Et cette psychologie philosophique-là, elle est un petit peu plus raffinée que l'autre, mais elle est aux prises avec les mêmes pièges que l'autre, avec la seule différence que l'homme se sert de son intellect pour se penser, tandis que dans l'autre, il se sert de son intelligence pour rationaliser ce qu'il fait. Et ensuite, il y a la psychologie de l'être. La psychologie de l'être, c'est l'étude en profondeur de l'homme contre tout ce qu'il a déjà été. Autrement dit, c'est l'étude en profondeur de l'homme, de sa mémoire, de ses émotions, de ses pensées, contre tout ce qu'il a été, c'est-à-dire envers et contre tout ce qui antécède son état présent de conscience supramentale ou de conscience qui va vers le supramental. Et cette psychologie-là, c'est la plus importante parce que c'est la plus réelle, mais elle ne peut pas être finalisante, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être parfaite tant que l'homme pense. Et lorsque l'homme cesse de penser, qu'il est plus capable de penser, qu'il entre dans l'intelligence et qu'il entre dans la volonté, à ce moment-là, il n'a plus besoin de psychologie, qui est un outil pour son évolution. Il est intelligence et automatiquement, s'il explique à l'homme ses mécanismes, à ce moment-là, il redonne à l'homme une psychologie quelconque pour son évolution. Mais l'homme conscient n'a plus besoin de psychologie parce que il est dans l'intelligence. Et étant dans l'intelligence, il n'a plus besoin de psychologie parce qu'il n'a plus à réfléchir sur ce qu'il est pour comprendre l'intelligence en lui parce qu'il n'a plus à se comprendre. Un homme a besoin de psychologie tant qu'il a à se comprendre. Alors, tant que l'homme n'a plus à se comprendre parce qu'il est dans l'intelligence, il n'a plus besoin de psychologie, mais s'il parle à l'homme, à ce moment-là, ce qu'il dit deviendra pour l'homme de la psychologie quelconque. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est pour permettre à un certain nombre de personnes, parmi vous autres, qui entrent dans l'intelligence, qui sont suffisamment solides sur le terrain de leur expérience mentale, de commencer à créer en eux-mêmes pas pour eux-mêmes, mais en eux-mêmes, une réserve d'énergie mentale. Une réserve d'énergie mentale qui leur sert tout le temps, qui leur servira toujours au fur et à mesure qu'ils vont être en relation communicative avec les autres. Et pour développer une réserve d'énergie mentale, il faut pouvoir en arriver à cesser de se questionner. C'est très malsain à l'homme de se questionner. Et c'est presque impossible à l'homme de ne pas se questionner. C'est malsain parce que ça provient du fait que l'homme ne réalise pas que son intelligence est réellement raccordée à un autre niveau d'énergie. Et c'est presque impossible à lui de ne pas se questionner parce que l'homme cherche toujours à comprendre son propre mystère. Mais l'homme n'a pas à comprendre son mystère lorsqu'il est conscient parce qu'il est dans l'intelligence. Et c'est seulement lorsque l'on est parfaitement dans l'intelligence qu'on a pu et qu'on ne cherche plus à comprendre notre mystère. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus intéressé au reflet de la vérité. On n'est plus intéressé à la vérité. Il y a une très subtile nuance dans quand je dis quand on est supramental, quand on est conscient, on n'est plus intéressé à la vérité. Puis l'autre partie où je dirais qu'on est intéressé à connaître plus profondément les lois de l'univers à quelque niveau que ce soit. Une nuance. Si tu es conscient, tu es plus intéressé à la vérité, ça va de soi parce que tu es dans l'intelligence. L'intelligence se fout de la vérité parce que l'intelligence est totalement en dehors des reflets de la vérité qui font partie de la soif de l'intelligence de l'homme pour concrétiser en lui-même un certain équilibre qui provient du fait qu'il n'a pas les deux pieds dans l'intelligence, mais qu'il a un pied dans l'astral, puis souvent un pied dans l'intelligence. Et ce qui fait que les gens recherchent la vérité ou que les gens recherchent à comprendre, c'est qu'ils ont un pied dans l'astral et un pied dans l'intelligence. Si les gens avaient deux pieds dans l'intelligence, ça ne serait pas intéressé à l'astral, autrement dit, ça ne serait pas intéressé à la vérité. Quand tu es dans l'intelligence, tu n'es pas intéressé à la vérité. Parce que la vérité, c'est une couleur de l'astral. Comme le mensonge est une couleur de l'astral, le bas astral, la vérité, c'est une couleur du haut astral. Il n'y a pas de différence, dans le fond, au niveau du plan d'origine entre la vérité et le mensonge. Parce que la vérité, c'est un aspect du réel réfléchi dans l'astral. Et le mensonge, c'est un aspect de la vérité réfléchie dans l'astral, mais plus bas. Donc, la relation entre le mensonge et la vérité est la même que la relation entre la vérité et le réel. Alors, vu du point de vue absolu du réel, la vérité, c'est un mensonge, et le mensonge, c'est un plus grand mensonge. Quand on commence à comprendre que le mensonge, c'est un mensonge, que la vérité, c'est un mensonge, et que le mensonge est un plus grand mensonge, c'est là qu'on commence à perdre le goût de la vérité. C'est là qu'on rentre dans l'intelligence. Et c'est là qu'on peut développer à l'infinité, tant qu'on est en évolution, les lois de l'univers, les lois à quelque niveau que ce soit. Mais en tant qu'ego, en tant qu'être qui va vers la conscience, il faut qu'on s'habitue à ne pas rechercher la vérité. Et pour ne pas rechercher la vérité, il faut en arriver à être écœuré de la vérité. Ça fait partie de la haine. Quand tu haïs, bon, occultement parlant, cosmiquement parlant, haïr veut dire deux choses. Haïr veut dire couper complètement l'influence de l'astral sur la vie matérielle. Quand tu coupes complètement l'influence de l'astral sur la vie matérielle, automatiquement, tu coupes tout ce qui est dans l'astral. Le mensonge, la vérité, alors tu n'es pas intéressé ni à un ni à l'autre. Tu es intéressé à vivre sur le plan matériel. Si tu changes de plan, tu vis sur un autre plan. Si tu changes de plan, tu vis sur un autre plan. Si tu changes de plan, tu vis sur un autre plan. Que tu vives sur le plan matériel ou sur d'autres plans, tu vis. Mais aussitôt que tu es intéressé à la vérité, tu ne vis pas, tu existes. Tu es intéressé au mensonge, mais tu vis encore moins. Mais ça fait partie de l'endoctrination de la race humaine. La vérité et le mensonge, ça fait partie des lois de la conscience expérimentale. Et un homme qui rentre dans l'intelligence se sent extrêmement soulagé du fardeau existentiel de la philosophie parce que justement, il n'est plus intéressé à rien. C'est par la parole qu'il devient intéressé à quelque chose. Mais jamais par la pensée. Par la parole. Lorsque l'homme devient intéressé à quelque chose seulement par la parole, ça le force à communiquer avec quelqu'un. Pas dans le sens que il va se forcer de rencontrer quelqu'un pour parler, mais dans le sens que quand tu vas rencontrer quelqu'un, il va parler. Et quand il sera seul, ou quand il sera avec des personnes intimes, comme sa femme, je sais pas, ou sa blonde, qui voudra se reposer, il ne sera pas engagé dans la recherche nécessairement de la vérité. Il va se reposer, il va prendre soin de ses chats. L'homme perd énormément d'énergie à rechercher la vérité. Dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures, dans toutes les philosophies. Et cette énergie-là qu'il perd, crée dans son corps mental une tension. Et cette tension alourdit son esprit. Elle meuble son esprit, mais elle alourdit son esprit. L'esprit, il faut que ce soit bien léger. Parce que quand l'esprit est lourd, La réflexion de l'intelligence dans l'ego se fait plus grande. Quand l'esprit est léger, la réflexion dans l'ego se fait très, très petite. Parce que si l'homme s'habitue trop à chercher, à chercher, quand va venir le temps de vivre de l'intelligence, ou quand l'intelligence même va rentrer en lui, ça va créer comme un choc. Il va souffrir. Il va souffrir d'orgueil, il va souffrir d'une vibration d'orgueil alimentaire.